m'appelle pas mon frérot. Flash de popo, ce soir c'est lui qui papote. Il parle de ton pote, celui qui t'a carotte. L'argent, les menottes, l'argent, les grosses notes. La nonji, la cardable, les draps jamais lavés. On est calé de la rue, gros, on a mangé le pavé. Demande au frérot, chacun chez nous c'est carré. J'suis sûrement pas au gros, j'suis toujours paré. Vivant l'Algérie, et voilà que pousse un cri. Poto, poto, la squalée sous popo. Poto, poto, fait fumer sur le pédo. Que je raconte mon histoire, c'est qu'inspire des polars. Parmi y'a des dollars, des loups et des guépards. Y'a même des salopes qui sont armés de pétards. Ceux-là, ils font pas peur, gros, ils pétardent jamais. Ils sont bons qu'à crier, tu les gifles, c'est réglé. Tu les braques, ils débarquent, une enveloppe bien chargée. Poto, poto, triste est la vérité. Comme celle de ton pote, celui qui t'a balancé. Ou de cette salope, celle qui s'est fait tourner. Ouais, poto, poto, triste est la vérité. Comme celle de ton pote, celui qui t'a balancé. Ou de cette salope, celle qui s'est fait tourner. Tourner, tourner, gros, la roue va tourner. La squale veut manger, gros, la squale veut péter. Pète le tombé, la tête qu'on vient de voler. Laisse-moi m'envoler, gros, j'ai tellement rêvé. Rêvé, rêvé, j'ai rêvé du million. Je me suis réveillé, j'avais même pas un rond. J'ai tourné en rond en quête de solution. Un peu comme Panka, gros, je monte tout seul au front. J'ai pas peur de me frotter, déjà tout petit, je me fritais. J'ai frite sur tes chiens, je vis sur la ville qui défile. Coup de fil anonyme et tu défiles à Fleury. Fumé, je suis tout seul et tout seul, je vais me les faire. Gère mes affaires, ma gueule, gère tes galères. La squale n'a qu'à. Je suis désolé de te déplaire. Je croque dans le gâteau et j'écoute tous ces mythos. La rue, on connaît l'OPJ, tu connais. La squad, la Z, la panca, le Beretta. Arrête tes conneries, gros, je m'en fous tes amis. Je m'en fous tes alliés, gros, je m'en fous que t'es armé. On va s'amuser quand les couilles d'assumer ces deux familles brisées et ces années gâchées. Fini ta CLP, tout gros, j'appuie sur le briquet. Je parle beaucoup du passé, je pense beaucoup au futur. Pour le présent, c'est la hure. Pour l'instant, je vends de la pure. La squad, ma gueule. Les vrais, les pourris. Bienvenue à Paris. La squad.